The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Cake. Le gâteau. At the. À. Chocolate. Le chocolat. To hate. Avoir horreur de. Late. Tard. Too bad. Tant pis. To light up. Allumer. Candle. La bougie. Birthday. L'anniversaire. Wish. Le vœu. To blow. Souffler. Now, a bit faster. Candle. La bougie. Too bad. Tant pis. Late. Tard. Cake. Le gâteau. Birthday. L'anniversaire. Too bad. Tant pis. Late. Tard. Too bad. Tant pis. To light up. Allumer. To blow. Souffler. Candle. La bougie. To light up. Allumer. Birthday. L'anniversaire. Candle. La bougie. Birthday. L'anniversaire. To light up. Allumer. Chocolate. Le chocolat. To light up. Allumer. At the. À. Birthday. L'anniversaire. To hate. Avoir horreur de. Now, use the words in context. À. I like strawberry ice cream. J'aime la glace à la fraise. Avoir horreur de. Cats hate water. Les chats ont horreur de l'eau. Tard. I'm going to be a little late for the party. Je vais arriver un peu tard à la soirée. Allumer. Dinner's ready. Just let me light the candles. Le dîner est prêt. Laisse-moi juste allumer les chandelles. Souffler. Blow on your coffee to cool it down. Souffle sur ton café pour le refroidir. Avoir horreur de. Cats hate water. Les chats ont horreur de l'eau. Allumer. Dinner's ready. Just let me light the candles. Le dîner est prêt. Laisse-moi juste allumer les chandelles. Souffler. Blow on your coffee to cool it down. Souffle sur ton café pour le refroidir.